si j'émine. Elle te sourit, t'es perdu, t'as plus le choix. Une voix sucrée, un air d'opéra, du poisson dans du chocolat. Oh mademoiselle, oh mademoiselle. Oh, mademoiselle.